Vu que c'est un produit un peu épais, je sais pas, il y a un truc où tu te dis... Moi, j'ai vraiment l'image, c'est de me dire, bah, t'as l'injection et t'as le produit qui petit à petit galère, tu sais, petit à petit, hop, hop, hop. Tu le sens galérer, en fait, vu que t'as mal un petit peu à l'endroit de l'injection. Tu sens que ça se fait pas facilement. C'était bah, il y a le 17 octobre 2022. Du coup, ce sera mon même testo anniversaire, ça s'appelle. C'était dans un petit cabinet un peu excentré de Blois, un peu du père, où elle était toute seule dans son cabinet, quoi. Et je prenais des rendez-vous super tôt. Donc, genre, il était 7h, quoi. J'allais à son cabinet, il faisait nuit, c'était en hiver et tout. Je sortais de ma voiture, j'avais trop froid. Et je sonnais à sa porte, quoi. La première fois, en fait, j'essayais un peu de regarder comment elle faisait, parce que j'osais pas lui demander. Parce qu'en gros, t'as la fiole, et pour que ce soit un peu, pour qu'elle devienne un petit peu plus liquide, bah, tu sais, tu la chauffes dans tes mains, tu peux la frotter contre une surface forte, c'est comme ça, et ça permet de décoller le produit, qu'il soit un petit peu plus aqueux et tout. Du coup, ça durait un peu longtemps, ça. Et que moi, j'étais comme ça, derrière elle, c'est... J'attends, quoi, ça va? Vous avez besoin d'aide? Ouais, du coup, elle galérait. T'sais. Salut, donc on est le 17 octobre 2022 et je viens de faire ma première injection de testostérone. Donc je m'appelle Sam Diaz, j'ai bientôt 27 ans, je mesure 1m67, je fais du 37 et des fois du 36, ça dépend les chaussures. J'ai les yeux bleus, les cheveux bruns et je commence à avoir des petits poils au menton, voilà. En fait, ce qui est bien et pas bien, c'est que t'as des modèles sur internet, enfin, des gens qui prennent de la testo, et du coup t'as des attentes, même si tu sais que tout le monde est différent, tu dis que... Enfin ouais, tu vois des modèles de gens qui à 3 mois ont déjà des effets de ouf, et tu te dis c'est trop bien, ça va trop vite, mais en fait c'est pas du tout le cas de tout le monde, quoi. Donc ouais, bah du coup à la première injection, qu'est-ce que... En vrai, la voix tout de suite, tu sens que la gorge gratte tout de suite, quoi. Ça c'est assez ouf. Chantais un petit peu des fourmis un peu dans les mains, dans les pieds. En fait, tu sens que apparemment c'est le sang qui devient un peu plus épais, quoi. Et du coup, moi je le sentais pas mal, quoi. De me réveiller en pleine nuit, tu sais, avec je sentais plus du tout ma main parce qu'en fait le sang il galérait à aller dans mes mains, quoi. Mais c'est des trucs assez classiques, quoi. Et changement de la peau aussi, pas mal. Tu sens que ta peau elle devient un peu plus granuleuse. C'est pas hyper. J'étais pas hyper content de ça, quoi. Mais du coup, tu sens le coup. Ouais, c'est moins doux, quoi. Granuleux, quoi. J'étais un peu deg quand même. J'étais un peu deg. Mais ouais, t'as ça. T'as. De façon très anatomique, en fait, t'as le diclit, le clitoris qui commence à. Qui grossit un petit peu, quoi. T'as des coups de chaud aussi. Où tu sens que ça pique de partout, que tes pores, ils sont. Ça brûle un petit peu, tu sais, c'est très bizarre. C'est... Pas de ménopause, tu vois, mais un truc un peu comme ça où tu te sens vraiment oppressé par des coups de chaud. Mais au-delà de ça, ouais, au premier mois, non, il n'y avait pas grand-chose. Donc, t'es pressé d'être à la deuxième, puis à la troisième. Et ouais, tu te regardes vraiment au microscope tout le temps. Comme des endroits où t'as des poils qui poussent et t'es en mode ah, c'est vrai que j'ai ça maintenant, trop bizarre. Et après ça devient une habitude et tu fais même plus gaffe. C'est ton corps de maintenant et puis tu prends les changements comme ça arrive quoi. Mais comme une puberté en fait finalement, sauf que cette puberté en tout cas bah du coup j'en ai envie. C'est pas un truc oppressant comme au collège, tu vois, la première puberté où c'était un peu je me sentais pas bien et tout. Je peux prendre le temps de voir les changements et que ce soit cool et tout, bah c'est ultra plaisant quoi. Dormir. La lune dans un œil et le soleil dans l'autre. Un amour dans la bouche, un bel oiseau dans les cheveux. Paré comme les champs, les bois, les routes et la mer. Belle et parée comme le tour du monde. On est le 12 décembre 2022 et je viens de faire ma troisième injection. Et donc je suis à 2 mois sous T. Belle et parée comme le tour du monde. Fuis à travers le paysage, parmi les branches de fumée et tous les fruits du vent. Il y a vraiment des moments où j'ai envie de me cacher, tu vois, je me sens pas bien et tout, et où c'est ultra décourageant, tu sais, où tu dis bah en fait ça sert à rien et ça se trouve dans un an bah ce sera pareil, mais il y a des fois où je me regarde et je vois la partie masculine qui prend un peu le dessus sur le visage. Et des fois, je la vois pas du tout, tu vois. Ça dépend vraiment comment je me regarde et du moment et tout. Mais moi, ouais, c'était surtout ça. Je sais pas, d'avoir des épaules un peu plus larges, d'avoir mes hanches moins marquées aussi. Ça, c'est, je pense, c'est mon plus gros souci. Et vu que je me suis mis à faire beaucoup de sport, bah, ça aide vachement. Parce que tu peux compenser, en fait, en travaillant le haut du corps, en te regardant dans la glace, bah, t'as moins l'impression que ouais, t'as des formes, que t'as des hanches, etc. Et du coup, ça aide de ouf. Vu que c'est une puberté, là, je pense que c'est pas encore terminé du tout. Du coup, t'as des changements, bah, comme je pouvais avoir à l'approche de mes règles, tu vois, où tu te sens un peu irrité, un peu. Des moments un peu con, tu sais, limite, où tu te dis, putain, mais là, pourquoi j'étais con comme ça et tout. Tu sens que mon humeur, elle est pas stable, quoi. Tu sens que. Mais ça, c'était surtout, je pense, les premiers mois. Après, ce qui est un peu. Pas déceptif, tu vois, mais je me disais, oh, je vais commencer à prendre de la testo et peut-être que ça va changer un petit peu, pas ma personnalité, mais tu vois, mais en fait, genre ça change rien du tout, quoi. À part que je me sente un peu mieux, genre si t'es bien entouré et tout, tu vois, t'as un truc où tu te sens mieux, du coup, tu prends de la confiance en toi, du coup, t'as l'impression de changer un petit peu, mais sinon, enfin, j'ai toujours la même personne, hein, ce qui est bien aussi, tu vois, mais t'as toujours un truc de te dire, ah putain, ça se trouve, je serais mieux et tout. Mais en fait, non, enfin, c'est toujours pareil. Hello, donc on est le 8 avril 2023. Dormir. La lune dans un œil et le soleil dans l'autre. J'ai fait ma 7e injection lundi. Dormir lundi, donc il y a quelques jours. Un amour dans la bouche, un amour dans la bouche, un bel oiseau dans les cheveux. Et donc je suis à 6 mois sous T. Paré comme les champs, les bois, les routes et la mer. Belle et parée comme le tour du monde. Le 17 juin 2023, et donc je suis à 8 mois sous T. Comme le tour du monde. Fuis à travers le paysage, parmi les branches de fumée et tous les fruits du vent. Jambes de pierre au bas de sable, prises à la taille, à tous les muscles de rivière. quand j'étais plus jeune, ça m'embêtait vraiment qu'on m'appelle monsieur, tu vois. J'avais ce truc de me dire, je suis censé être une fille, pourquoi tu m'appelles monsieur? Et ça m'énervait, tu vois. Et je pense que c'est pour ça que j'ai repoussé aussi pas mal le truc. J'ai été, tu sais, honteux qu'on m'appelle monsieur et tout. Alors que là, c'est ce que je recherche, et j'avais pas ça tout de suite. Du coup, t'as ce truc où t'es... Oh, putain, on m'appelle encore madame. Putain, du coup... aux yeux des autres, je suis une femme, etc. Et ouais, t'as des moments un petit peu durs quand même de ça. Mais en tout cas, c'est des questions qui sont toujours là, de comment on me perçoit, etc. Parce que c'est pour ça que je prends de la testostérone, tu vois. Sinon, voilà. Pour moi, c'est aussi pour qu'on me perçoive comment moi, je me perçois de l'intérieur. Bon, aussi, je le fais beaucoup. Beaucoup pour moi, de comment je me vois dans le miroir, etc., de me sentir bien. Mais t'as aussi ce regard extérieur, quoi. Puis de se sentir en sécurité aussi, tu vois. De voir que les gens, ils te considèrent comme un homme cis, bah... T'as ce truc de passing, ça. C'est comme ça qu'on appelle le truc, genre tu passes. Tu passes comme un homme cis, tu passes comme une femme cis. Et pour moi, c'est très important dans un premier temps, mais en fait, c'est des trucs que tu performes un peu. Quand tu choisis tes habits et tout, moi je me dis, qu'est-ce qui fait plus masculin, machin. Puis tu peux vraiment pousser le truc au maximum, tu vois, pour passer, juste pour passer. Mais en fait, tu peux totalement te détacher de ça. Peut-être pas performer cette masculinité-là qui est peut-être pas... Enfin, qui est un petit peu toxique aussi. Mais ça, c'est des questionnements sans fin pour moi, quoi. Enfin, c'est le début. Parce que... Être un homme cis, pour moi, ça m'intéresse pas. Mais en tout cas, dans la glace, de me dire que je me sens bien. Dormir, la lune dans un œil et le soleil dans l'autre. Un amour dans la bouche, un bel oiseau dans les cheveux. Paré comme les champs, les bois, les routes et la mer. Belle et parée comme le tour du monde. Fuis à travers le paysage, parmi les branches de fumée et tous les fruits du vent. Jambes de pierre au bas de sable, prise à la taille, à tous les muscles de rivière. Et le dernier souci, sur un visage transformé.